Faut qu'on sache, je veux rester près de toi mais sans m'attacher. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai tout gâché. J'ai grandi là-dedans, mais là je m'attends. Elle nous ramène en prison, maman ne pleure pas. La police à la maison, maman ne pleure pas. Des embrouilles à l'horizon, maman ne pleure pas. Je sais trop tard, suivez-moi, j'y vais quand même. Maintenant tout poignet, quelques années me pardonner. Elle m'emmène en cellule, m'emmène pas faire des randonnées. Je veux sortir de la merde, mais bon, je peux pas t'abandonner. J'ai porté armée, que tu sais, pour toi j'ai tant donné. Et je vais devoir te quitter, désolé. Je vois du noir à travers les volets. Et moi je veux partir charbonner, comme d'hab. Maman, as-tu supporté mes pas à chair? Je veux rester près de toi mais sans m'attacher. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai tout gâché. J'ai grandi là-dedans mais là j'ai mal. Et tous les soirs je m'enfume en bas. Je suis dans l'histoire, je fais du sale et je m'en bats. Je me balade dans la ville, je ne vois pas. Je n'écoute que mon avis comme papa. Quelle est dans le passé? J'ai le cœur cassé, que l'on est dans le passé. Si tu m'as pour, je veux rester près de toi mais sans m'attacher. Le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai tout gâché.